Quand la nuit tombe sur la ville et que tout le monde s'endort, Déo se réveille pour perturber votre sommeil. Et le parfum de la mort flotte déjà sur cette ville où on ne contrôle pas le jour, mais contrôlons plutôt la nuit. La faim qui nous tenaille, la haine brûle nos entrailles. La force est avec nous, nous sommes des chacals en cavale. Et les parties de cachage que l'on menait avec les condés nous amusaient beaucoup sans pitié s'ils nous serraient. Mais non, ne me mettra pas en cache comme on enferme un animal. Je préférerais courir vite ou encore finir sous une dalle. Rien nous arrivait puisque chaque fois on recommençait. Le business reprenait une fois que la nuit était tombée. Et on faisait ce que l'on voulait quand ça nous plaisait. Le cartel progressait toujours dans le vice et l'excès. 6h à ma montre, il est vraiment temps que l'on rentre. Et le jour allait se lever, on risquait de se faire prendre. Quand la nuit tombe sur la ville, les billets de plus en plus faciles. Mais quand les NASCAR sont lâchés, personne ne peut les arrêter. Quand la nuit tombe sur la ville, les billets de plus en plus faciles. Mais quand les NASCAR sont lâchés, personne ne peut les arrêter. Quand la nuit tombe, reste tes pieds sous terre ou si tu vivant, prépare ta tombe. T'es pas capable de comprendre, plus de fils dans ma tête en bloc. Gaz pour te téléphone, mon son tu. Le but de ma maudite, ton pour la voix, c'est cartel dimension. J'ai la potion, j'y crois pour transformer la ville en renoir. Je déteste qu'on passe sur moi, métamorphose de prose et j't'endors jusqu'au soir. En pleine forme pour le concert, j'vis la nuit comme une chauve-souris. J'serai du j'avais pas qu'il dit bouffon, ma plus vilain garçon. Qui pète l'audimat, qui t'ordonne de dire maté sur la version. Tel un mécénat, mais si je reviens, prenez la nuit comme une chauve-souris. Je suce le son des DJ. Bouger les globules blancs, car le globule noir repart. De plus belle se mettre en scène comme les sept mercenaires. On sur tout ce qui bouge, je cible la tête, le cerveau, le cortex. Et je shoot les shérifs après me shooter au kiff d'une balle mentale qui les font descendre sur terre, même si les pieds sous terre. Tellement je suis vénère, personnellement je suis en colère. Aujourd'hui ma défense reste verbale sur le champ de bataille lexical qui décime les MC en rafale de grenades. Sur toi le port qui salit le hardcore, le vrai hip hop des quartiers web dans lesquels je suis guest star. Je me promène dans la ville, la nuit de haut. J'examine et monte ma prophétie. Borné gaslight, me révolter se fond dans la nuit. Je suis le gosse numéro 4 que tu crains dans ta tête. J'ouvre mes sens car je suis né nègre noir, métis fier de l'être le black man. Que le démon dans la foulée. J'attends le flic véreux au coin comme le tigre attend sa proie. Borné gas se calque contre les murs pour t'observer. Les 3-6 chiffres du diable font partie de mes sentences. Ching chang chong, Borné gas te poursuit dans la nuit. Cours, cours, seulement tu vois, je suis partout. Je prends ton cerveau puis le brûle à petit feu. Je ne suis pas rond bonbon mais plutôt noir hardcore. Transpire sous tes draps, le cauchemar continue. Dimension ouest, la peste entrebâille la grande porte. Je sors la baïonnette et commence à ouvrir le feu. La police phobie m'envahit dans la nuit. Balaba je flippe comme un dingue quand j'aperçois les uniformes. Uni pour la vie, à la mort et sans sourcil. J'appréhende que les keufs ce soir dépassent encore les cornes. Et l'on passe à côté d'eux dans un émat des plus nerveux. L'un d'eux me bouscule et prend sa voix de crapuleux. Contrôle d'identité, sans la vinasse. Sa tronche est écarlate, en plus il bave comme une limace. On l'enchaîne, on se déchaîne sur ses chèvres de frigo froisse. On brûle son costume de chez Prise Unique. Définition du banquier de la fonction trisomique. C'est inutilement présent, nuisible à 100%. Tout comme les comptes fachos qui t'espoient au gouvernement. C'est la revanche des lascars qui réveille les vieux croulants. Alors je retire sur mon joint et je pense au lendemain. Au jour où sur terre il y aura plus ces fils de chiens. Et je retire sur mon spliff tout en restant actif. Et j'en profite ainsi pour shooter les shérifs. Quand la nuit tombe sur la ville, les flics écrasent les négros comme ils écrasent les mégots. Mais nous ne resterons pas tranquilles. Quand la nuit tombe sur la ville, les flics écrasent les négros comme ils écrasent les mégots. Mais nous ne resterons pas tranquilles.